الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اليوم سنخوض ان شاء الله 4 مسائل جديده كذلك لانها قصيره. Elles sont assez courtes, alhamdulillah, nous avons 34 nouvelles. Yani au fur et à mesure, le shir va raccourcir son explication de chaque mas'ala. Ce qui me permettra, inch'Allah, de pouvoir apprendre plus par cours, dans chaque séance. Non. À la base, comme on expliquait, c'est un cours en résumé. Le plus important, c'est de retenir les points de cette jahiliya. Tamam. D'en trouver quelques sifat, le dalil qui va avec, s'il y en a un. Ou l'istinbat, la déduction qui va avec, quand on a une. Ou on a mis la hada, on a sallallahu alayhi wa fiqana. Fakal, il mas'ala al-khamisa achar. Yaqul, irtizaruhum an kaboul al-haq bi'udhrin batilin. Donc, 15e mas'ala, qui est qu'il justifie le refus d'acceptation de la vérité par des excuses fausses, vaines. Fakal, في المتن رحمه الله تعالى اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقوله عز وجل وقالوا قلوبنا غلف وقوله تعالى يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. Donc là il dit que ces gens-là se justifient de ne pas suivre les messagers du fait qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas la compréhension pour comprendre les paroles du messager, comme dans la parole d'Allah dans le sens où il dit, ils disent, par exemple, nos cœurs sont enveloppés et fermés, c'est-à-dire hermétiques à ce que tu dis. Ou alors, parole, ça c'est la parole des Bani Israël qui dit ça. Et la parole du peuple de Shu'aib, lorsqu'ils lui ont dit, oh Shu'aib, nous ne comprenons pas ce que tu dis. Et Allah SWT les a démentis, en démontrant que la cause de leur non-compréhension, c'est tout simplement qu'il a scellé leur cœur pour leur mécréance. Naam. Faqala wa rahimahullah ta'ala ou rahimahullah ta'ala yani Cheikh Fawzan. Ay i'tazaru an qabul al-haq bi annahum la yafqahuna ou la yafhamuna. Qu'il justifie le fait, il s'excuse de ne pas accepter la vérité du fait qu'ils ne comprennent pas. Comme Allah SWT l'a dit à propos des Yahoud, lorsque Moussa les a appelés, alayhi salam, ou leurs prophètes, ils ont dit que leur cœur était hermétique à ce qu'ils disent. Tamam. Ou à Rulf, ma'ana rilef, alayhi rilef, comme une forme de couverture ou de, que leurs cœurs sont couverts d'une chose qui les empêche de comprendre. Qui empêche la parole du messager de parvenir au cœur. Fa, la tatmain kulubuhum ila kalamihi. C'est-à-dire que leur cœur ne s'apaise pas à sa parole. فاتخذوا هذا حجة في تكذيب الرسول. Ils ont pris cela comme argument pour démentir les messagers. Alayhi salatu wa salam. Ça, c'est l'un des calls qui est connu par rapport au verset. Et il y a un autre call, mana rulf, qui est, يعني أنها مملوءة من العلم فليسنا بحاجة إلى كلام أحد فليسوا بزعمهم بحاجة إلى الرسول. Alayhi salatu wa salam. نعم. Donc il dit, ah, je m'excuse pour les bruits de fond qu'il y a derrière. Déjà, aujourd'hui, c'est Yom el-Khamis, c'est un jeudi. Donc, c'est le jour où il y a les bid'as des soufis, qui se font ici à Hadramaut. Et deuxièmement, il y a un urs à côté de chez moi, un mariage. Donc, il y a des bruits d'ambiance qui vont avec. Fal-ma'zira min-an. Donc, eux, ils ont dit quoi? Que leur cœur, pour revenir à ce qu'on disait, que leur cœur sont pleins de science. Donc, ils sont rassasiés. Donc, ils n'ont pas besoin de la parole de quiconque. Après cela. Et donc, ils n'ont pas besoin de la parole du messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah SWT, par la suite, a démontré que la cause de leur non-acceptation de la vérité, c'est tout simplement qu'il les a maudits pour leur mécréance. Qu'il les a renvoyés de sa miséricorde et qu'il les en a éloignés. Donc là, après cela, ils n'acceptent plus la vérité. Comme encore le Ta'ala, فَلَمَّا زَارُوا وَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, Allah les a fait dévier. Donc après le shirk, il y a une parole très importante qui elle-même est liée aux gens du kufr et même aux gens de la bid'a, قال فمن لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل وصار بعد ذلك لا يقبل الحق لأنه يفسد قلبه والعياذ بالله. كما قال تعالى بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Donc il dit, celui qui n'accepte pas la vérité, Allah va l'éprouver par le faux. Donc par la suite, la vérité n'acceptera pas. Car ils auront corrompu leur cœur. Voilà, azubillah, comme dans sa parole oubliée dans le sens. Plutôt Allah les a maudits pour leur mécréance, et ce n'est que peu qu'ils croient. Donc là, leur excuse, tout simplement qu'ils disent qu'ils ne comprennent pas. Et on a des gens aujourd'hui pareil, dans des masa'il, ilmiya, masalan, ou dans certaines fitan, par exemple. Des gens, ils ont pris une position, et tu leur exposes les preuves allant à l'encontre de leur position, et je ne comprends pas, donc je reste sur quoi je suis. Donc ils s'excusent de ne pas vouloir accepter la vérité, c'est peut-être qu'ils ne comprennent pas. Et en réalité, ils ne veulent pas comprendre, car ce que tu lui apportes ne va pas dans son sens. Donc il dit, je ne comprends pas, c'est trop compliqué pour moi. Par exemple, il y a une mas'ala sur un sujet, il a pris une fatwa d'un savant, tu lui démontres que la fatwa n'est pas correcte, et que la vie correcte c'est celui-ci et celui-là, tu lui exposes des règles, il dit, je ne comprends pas, donc il accepte, il refuse ce que tu lui dis. Il dit, je reste ce que je connais, moi, voilà. Ce que tu me dis là, je ne comprends pas. Et comme on dit, ces gens-là, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre, faire l'effort de comprendre. Azam. Mais au fond, ils ont compris que la parole que tu apportes va à l'encontre de ce quoi ils sont, de ce sur quoi ils sont, et ce qui leur convient, ce qui leur convient, et ce qui leur plaît. Voilà, azbillah. Donc là, ce fut le cas de beaucoup de messagers avec leur peuple, qu'ils disaient, nous ne comprenons pas ce que vous dites. Comme ce fut le cas de Shu'aib alayhi salam, comme le Cheikh le dit, qu'il était parmi les, il a été surnommé comme étant Khatib al-Anbiya, le sermonneur des prophètes, c'est-à-dire celui qui avait le plus de balara, de fasaha, son kalam. Quand son peuple ne l'ont pas compris, ne l'ont pas accepté, ils ont dit, Ya Shu'aib, ma nafkahu kathiran mimma takul. وإن نراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لارجمناك وما أنت علينا بعزيز. Ils dit, oh Shu'aib, nous ne comprenons pas beaucoup de ce que tu nous dis. Et nous te voyons faible au milieu de nous. Si ce n'avait été ton clan, nous t'aurions certes lapidé. Et tu n'as vraiment aucune force sur nous. Donc là, les messagers ont été refusés par beaucoup de leur peuple. Par ce prétexte, les gens de la Jahiliya. Et par rapport à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est fait la même chose par Quraysh. D'accord? En traitant de fous, de ceci, de cela, ils ont utilisé le même procédé. Car c'est un des procédés des gens de la Jahiliya. Qui est de refuser la vérité avec de faux prétextes. Non. Thumma qal, fil mas'ala, al-sadi sata'achar. 16e mas'ala. I'artiyad al-yahoud, an-etawarati bi-kutub al-sihar. Que les juifs ont délaissé la Torah pour se consacrer au livre de sorcellerie. فقال المؤلف رحمه الله تعالى اعتيادهم عما أتاهم الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Donc là il dit que ces gens-là ont délaissé, ont changé ce que Allah leur a accordé par les livres de sorcellerie. Comme Allah dans le sens où il dit, et lorsqu'un messager leur parvint, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, confirmant ce qui était avec eux, une partie d'entre eux se détournèrent parmi ceux qui avaient lu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le délaissèrent derrière leur dos. Comme s'ils ne le savaient pas. Ils ont suivi ce qu'ont dit les shayatines à propos de Sulayman. Sulayman n'a jamais mécru. Mais c'est plutôt les shayatines qui, eux, ont mécru. Et ils enseignent aux gens la sorcellerie. Naam. Faqala al-sharihu, hafizallahu ta'ala. Al-yahoudu lamma kafaru bit-tawrati allati fiha sifat Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa amarahum bi-atba'ihi. كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى ذلك. Donc les juifs, ils ont mécru, après qu'ils aient mécru, lorsqu'ils ont mécru envers la Torah, qui comprenait et renfermer les caractéristiques de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il aurait été obligatoire de le suivre, comme Allah dans le sens où il dit, ceux qui ont suivi le messager, le prophète, les lettrés, qu'ils trouvent présents dans leurs livres, cités dans la Torah et dans l'Injil. C'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était cité dans leurs livres. Tamam? وكذلك كما بشر به عيسى في الإنجيل حيث قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Parce que عيسى également leur a annoncé cela dans l'Injil, du fait qu'il a dit dans le sens, ô fils d'Israël, je suis pour vous le message d'Allah, confirmant ce qu'il y avait précédemment dans la Torah, et vous annonçant un messager qui viendra après moi dont le nom est Ahmed. Et le nom est Ahmed. Et comme vous le savez, une parenthèse, dans ce qu'ils appellent l'Injil aujourd'hui, il y a un verset. Il y a un verset. Allons dans ce sens. Le fameux verset du Paraclet, que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler. Dans lequel, Isa, il dit que il viendra après lui. Je ne me rappelle plus vraiment des termes employés. Comme si c'était un homme qui viendra après lui, qui ne parlera pas de lui-même, et qui l'appellera à ce que lui appelait, et ça s'appelle le paraclet. D'accord? Chose sur laquelle beaucoup de musulmans viennent pour argumenter les chrétiens, pour leur dire, regardez dans votre livre, le paraclet c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit pas que le paraclet c'est son nom. Est-ce que ça se trouve c'est un nouveau mot que vous avez changé? Mais ce que là, ce verset-là, il confirme ce qu'on dit dans le Coran, et ce qui est dans la Torah. Donc ce verset-là, on y croit que Isa alayhi wa sallam vous a annoncé cela, et une trace est restée dans votre livre. Donc c'est encore un argument contre vous. Naam. Donc on ferme la parenthèse, là on revient à l'explication. Donc il dit, فَهَذَا الرَّسُولُ مَوْجُودٌ ذَكَرَهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ اسْمُهُ طيب. فَهَذَا الرَّسُولُ مَوْجُودٌ ذَكَرَهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ اسْمُهُ وَرِسَالَتُهُ وَصِفَاتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى إِنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Donc ce messager qui est présent, qui a été cité dans la Torah et dans l'Injil, son nom, son message, ses caractéristiques, alayhi salatu wassalam, à tel point qu'ils le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. C'est-à-dire, il y a tout pour y croire. Mais lorsqu'après ils ont mécru envers le livre d'Allah qui est la Torah, et qu'ils ne l'ont pas appliqué, Allah les a éprouvés à ce qu'ils prennent les livres de sorcellerie. Celles qui étaient justement les actes des shayatins. Donc ils ont changé les actes, ils ont changé ce à quoi ils appelaient les livres d'Allah pour suivre les actes des shayatins. Et cela, ce fut une punition pour eux. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, comme le shir il a bien dit, toute personne qui se détourne de la vérité, il sera éprouvé par le faux. Car il n'y a rien entre les deux. Comme le Ta'ala, وَمَا ذَبَّدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالٍ. Qu'y a-t-il au-delà de la vérité, sinon l'égarement? Celui qui ne prend pas la vérité prendra forcément le faux. Il n'y a rien entre les deux. Et il dit, ce fut également le cas de beaucoup de ulama dans cette umma, qu'il appelle ulama parce que ce sont des gens qui, à la base, avaient de la science. Et lorsque les gens ont délaissé le tawhid, ils se sont mis à prendre le shirk à la place. Là, il parle des gens de l'islam. Lorsqu'ils ne sont pas consacrés au tawhid, ils ont été éprouvés par le shirk. À aller à invoquer les morts, à égorger pour les morts, à invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont trouvé des gens ayant un certain niveau de science, qui confirme, il approuve cela, il les appelle même à cela. Il le dit, هذا واقع كثيرا من العلماء الخرافيين وعلماء القبوريين بدلا من أن يدعوا إلى التوحيد ولا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الباطل. Que ces gens-là, parmi les ulama qui mentent et les ulama adorateurs de tombes, au lieu d'appeler au tawhid d'Allah et au livre et la sunna, ils appellent au batil. Donc comme vous l'expliquez, ce livre-là, même aujourd'hui dans les gens de la Umma, on trouve des sifat, toujours. Également, des gens, lorsqu'ils ont délaissé dans des masaïl, tu leur donnes la vérité sur un sujet clair, et qu'ils le refusent, tu les vois s'enfoncer dans le faux. Et s'accrocher à ce faux sur lequel ils sont. Et combattre cette vérité que tu leur apportes. Et te prendre en ennemi, non pas pour Allah, mais parce que tu leur as démontré qu'ils ont tort et ne veulent pas accepter. Qu'est-ce qui se passe par rapport à par la suite? Ils ne suivent que le faux. Et délaissent la vérité et en sont fortement éprouvés. Voilà, azabillah. Non. طيب ثم قال المسألة السابعة عشر 17 point نسبتهم الباطل إلى الأنبياء qu'ils attribuent le faux au prophète. قال المؤلف رحمه الله تعالى نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. Donc le fait qu'ils attribuent leur fausseté aux prophètes, quand on s'apparente à Allah dans le sens où il dit, et que Souleymane n'a pas mécru. Souleymane n'a pas mécru. Et ça s'apparente dans le sens où il dit que Ibrahim n'était pas un juif, ni même un chrétien. Naam. Taïb. Faqara al-Shari'a, hafizallahu ta'ala. Min manahij al-jahiliya annahum yunsibuna ma hum alayhim lil-kufri wa dalal ila al-anbiya. كما نسبت اليهود السحر إلى سليمان فقالوا السحر من عمل سليمان وهو الذي كان يسيطر به على الجن والشياطين. Donc ça c'est parmi les voies des gens de la Jahiliya qu'ils attribuent par exemple ce sur quoi ils sont comme mécréants, c'est comme égarement aux prophètes, comme ce fut le cas des juifs qui ont dit que c'est Sulayman qui faisait la sorcellerie, que le sihr est parmi les œuvres de Souleymane. Et c'est par ce sihr, justement, qu'il contrôlait les djinns et les shayatins. Taïb, thumma qal. Et n'ont-ils pas su que les shayatins font partie de la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui les contraint à ce qu'il veut. Et qui les a contraints à obéir à Souleymane, alayhi salatu wasalam. Donc ces juifs-là, ils ont attribué le sihr à Souleymane, afin de quoi? De pouvoir convaincre les gens de ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire, ils font du sihr pour dire, mais nous, c'est Souleymane qui nous a appris à faire le sihr. Et que ce que nous faisons, c'est partie des œuvres des anbiya, pour justifier leurs faux. Ils font des choses mauvaises et blâmables, et ensuite les attribuent aux gens de la vérité, pour pouvoir se justifier. Et il dit également, كَذَلِكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ يُنْسِبُونَ كُفْرَهُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِمَامَ الْحُنَفَاءِ وَأَبِي الْأَنْبِيَاءِ يُنْسِبُونَ إِلَيْهِ مَا هُمْ عَلِيمُ الْكُفْرِ. Qui font pareil qu'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, l'imam des Hunafa, qui lui attribue ce sur quoi ils sont comme kufr. C'est-à-dire que les juifs, ils font des choses, ils disent qu'Ibrahim était un des prophètes. Et les chrétiens disent, Ibrahim, ils appellent Abraham dans leur livre, était un des prophètes. Donc ce que nous faisons, il l'a fait avant nous. Donc ils disent cela fait partie de leur religion, celle d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Voyez, فَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. Donc Allah les a réfutés en disant, dans le sens que Ibrahim n'était pas un juif ni un chrétien, cependant il était un hanif, un muslim, n'était pas du nombre des mushrikin. Donc la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, c'était le tawhid, et qui se désavouait du shirk et des mushrikin, le contraire de ce que font justement les juifs et les chrétiens. Donc après, ils attribuent certaines choses à ces prophètes, alors que certains de ces prophètes sont venus bien avant leur livre. Ibrahim est venu avant leur livre. Yaqub, alayhi salam, est venu avant la Torah et avant l'Injil. Vous voyez les alikas. Et le shir après, il finit la mas'ala en disant « Wa kadhalika kana fi hadhihi al-umma man yansib ma hum alayhi min al-batil ila al-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam » فَيَدُوَ الْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ لِنُصْرَتْ بَاطِلِهِ. Et il y a des gens aujourd'hui qui font pareil, ils font des choses mauvaises, fausses, et des bid'as, des shirkiyats, et après ils attribuent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils inventent même des ahadiths pour pouvoir secourir leurs faux. On le trouve ça dans la Ummah. Il y en a parmi les causes du hadith al-Mawdu', le hadith qui a été inventé, parmi ces causes, il y en a plusieurs, parmi elles celle-ci, de pouvoir secourir le faux qui leur convient, qui leur plaît. Ils inventent des hadiths. Tamam? Et après, il dit, pour finir, encore plus proche de notre réalité actuellement, qu'il y en a qui attribuent aux imams de l'islam, ils s'apparentent à eux, comme les imams des mazahib, ils s'attribuent à eux, s'apparentent à eux, et pourtant, ils les contredisent dans la croyance. Qu'ils attribuent leur faux aux gens du vrai. Pour pouvoir justifier justement, c'est faux. Et convaincre les gens. Naam. ثم نخوض ونكمل بالمسألة الثامنة عشر 18e مسألة انتصابهم إلى الأنبياء مع مخالفتهم. Et ça, ça revient un peu à la masala qui vient précéder. تناقضهم في الانتساب ينتصبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. Donc il dit que eux, ils sont en contradiction dans leur appartenance. Par exemple, ils s'appartiennent, ils s'apparentent à Ibrahim, et en apparence, ils s'opposent à son suivi. طيب, فقال الشيخ فوزان, حفظه الله تعالى, التناقض في الانتساب, وهو أن ينتسب إلى الشيء, وهو مخالف له, وهذا الانتساب باطل وكذب. Donc il dit justement, ça c'est la contradiction qu'ils ont. Ils s'apparentent à une chose et s'y opposent en apparence. Donc cette appartenance, elle est fausse et n'est qu'un mensonge. Donc il dit bien que la vraie appartenance, c'est que tu t'apparentes à une chose et que tu es en accord avec cette chose-là. D'accord? Tu es en accord avec cette chose-là. Tu la suis. Et que Ibrahim, par exemple, ça s'apparente à Ibrahim, cela amène à suivre le tawhid. Et la sincérité, elle est khlas. Wa l'ibada lillah wahda. Si nous sommes des associateurs, des mouchriquins. C'est pour ça qu'il dit que ce que les juifs font en s'apparentant à Ibrahim, par exemple, cela est un mensonge. Car pourquoi Ibrahim, c'est le premier qui a fait le hajj. Et eux ont renié le hajj. Ibrahim, c'est lui qui a construit la Kaaba. Et eux refusent de se tourner vers la Kaaba pour les salawat. Voilà les alikas. Également, les chrétiens qui disent s'apparentent à Isa alayhi salam. Également, ils s'opposent à ce quoi Isa il est venu. Et même dans leur livre, tu trouves encore des traces de tawhid, qui appellent le tawhid. Et eux pourtant, ils se mettent à l'invoquer lui, à invoquer sa mère, à invoquer je ne sais qui, je ne sais comment, je ne sais quoi. Et sa parente, le mot chrétien vient du mot, et tient du mot Christ. Et le Christ, il l'a attribué à qui? À Isa, alayhi salatu wassalam. Donc eux, c'est la même chose, c'est des masaïl de la jahiliya. Et ça, ça revient à ce qu'on a cité auparavant, que des gens s'attribuent à des choses aujourd'hui, qui sont elles véridiques, mais s'y opposent en apparence. Et le shir, là, le répète encore. Combien se sont apparentés aux aïmma, dans des mazahib, wa khalafahum fi yartigalatihim? Combien se disent, moi je suis shafi'i? Moi je suis Maliki, moi je suis Hanbali, moi je suis Hanafi. D'ailleurs, et tu regardes bien, ils sont en totale opposition dans leur croyance. Les Rafidans, ils se disent Shafi'it. Les Soufiyas ici au Yémen, ils se disent Shafi'it. Les Ash'ira, parmi eux à notre époque, aujourd'hui on a qui, par exemple, on a les Ahbesh, la PBIF. Ce sont des Jahmiyyah, des Ash'ira dans la Aqidah. Ils se disent on est Shafi'it. L'imam Shafi'i n'a jamais été sur leur croyance. Jamais. Ou d'autres encore. Dans les pays d'Afrique, qui disent Malikite. Ils font des choses que l'imam Malik n'a jamais appelé à celle-ci. Ou Rale Dalika. Donc ça, c'est des choses qu'ils s'apparentent à une chose et ils la contredisent, en réalité. Et même aujourd'hui, chez les salafites, ils disent, je suis salafi, et s'opposent aux règles du ménage des salafis, ils ne l'appliquent pas. Ils disent, je suis salafi, je suis les savants, je suis les grands savants, comme disent les kibars, et font des choses qui s'opposent totalement à ce à quoi on appelle les kibars. Aujourd'hui, par exemple, un imam qui est fortement sali par beaucoup de hizbis, c'est Shamoukbil, rahimahullah ta'ala. Shamoukbil, beaucoup de gens s'apparentent à lui. Shamoukbil, c'était, il était. Ils font leur éloge, et ils font tout le contraire de ce à quoi il appelait. Combien de gens aujourd'hui font des choses dans la darwa qui sont liées à l'argent, ce genre de choses? Shamoukbil était parmi les gens les plus durs sur ce sujet-là. Et pourtant, ils le font quand même. Tout ce qui est le fait de mendier des jam'iyat, le fait d'utiliser la darwa pour les biens personnels ou pour pouvoir se faire de l'argent. Shamoukbil, t'es parmi les gens les plus stricts sur ce sujet-là. Et pourtant, aujourd'hui, tu t'en vois plein parmi eux. Ils sont là, ils font des associations normales, ils m'ont dit, et après ils disent Shamoukbil, rahimahullah ta'ala. Wa li azabillah. Eh bien, ça, c'est une chouboua des gens de la jahiliya. Wa fi masail kathira kadhalik. Ils s'apparentent à eux. Donc, la vraie appartenance à ces imams, ce n'est pas s'appeler Maliki, ou Shafi'i, ou Hanafi, ou Hanbali. La vraie appartenance, c'est le suivi de la vérité qu'ils apportaient. Comme avec les Sahaba, et à leur tête, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le muslim se dit muslim sunni, qui a suivi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et salafi, qui s'apparente au salaf, qui étaient les sahaba, et le siècle d'après eux. Et aujourd'hui, on peut appliquer le mot salaf à toute personne qui nous a précédés et qui était sur la vérité. Par exemple, le Cheikh al-Mukbil, c'est un salaf, aujourd'hui pour nous. Nisbat al-Nana, c'est, par rapport à nous, c'est un salaf. Maintenant, dans le mot de base, il n'en fait pas partie, car ce n'était pas un sahabi, ce n'était pas un tabi'i, ou un tabi'i. Voyez? Mais après, les ulama, ils ont fait des istilahats différentes pour les salafs, et même toute personne qui est morte sur la vérité, qui nous a précédé, qui était un imam pour nous, c'est un salaf. On peut dire salaf pour lui aussi également. Bien qu'à la base, le mot salaf s'attribue aux sahaba, en premier lieu, après aux tabi'in, après aux atba'i tabi'in. Naam. Avaru. Donc là, ce sont les quatre points qu'on a pris aujourd'hui, qui étaient le 15e, qu'ils se justifient de refuser le faux avec de fausses excuses. Le 16e, qu'ils ont changé la vérité par le faux, c'est-à-dire ils ont changé l'Injil, la Torah, pour prendre les kutubs de sihr, de sorcellerie. Ils ont refusé la vérité, changé par le faux. Après, la 17e, qu'ils ont attribué le faux au NBA. Ils ont attribué le faux au NBA. Quand même. Et la 18e, qu'ils s'apparentent à des choses au NBA et s'opposent à eux, les contredisent dans leurs faits et dans leurs croyances. Hadha hu. Fabien d'accord, Tafi. On a coulé. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.